Allez, 45 minutes, j'ai la dalle. Voilà ce qu'a dit Martin juste avant de commencer ce nouveau numéro de Bon et Troqué. Tu dois faire une intro. Une intro musicale. Il y a des gens qui demandent l'intro. Ça fait 16 mesures. Déjà 2025, 2024, c'était avant-hier, puisque nous sommes le 3 janvier pour un nouvel épisode de Bon et Troqué. Épisode 20 quelque chose. Tu sais jamais, hein. 25. Non, c'est plus, 24. Je crois que c'est 26 ou 27. Et si vous suivez 29, 29. Non, on n'est pas encore au 30. Parce que le 30, c'est un symbolique pour moi. Donc je me suis dit, non, on n'est pas encore au 30. Le 30, on le fera à un truc avec le mot 30 dedans, tu vois. Une adresse, un banc en 30, tu vois. Ah ouais. Non, j'en sais rien. C'est ambitieux. Il n'y a pas de bar, de toute façon, il n'y a pas de troquet qui s'appelle au 30. Si. Peut-être quelque part en France, il y a peut-être un bistrot qui s'appelle le 30. Dans la rue du Moulinel, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bars qui avaient un numéro. Ouais, il y avait, ouais, exact. Le 128 ? Ouais, voilà, ouais. Il y avait des conneries comme ça, ouais. Le 35. Non, ce 35, tu mens. Oui, je mens. Je suis un menteur, mais c'est le numéro 29. Allez, c'est parti, parce que Martin ne retient rien. Le 30, c'est le prochain, donc le prochain, peut-être, ouais. Événement spécial. Voilà. Peut-être un guest ? Peut-être un guest. Est-ce qu'on peut brancher 3 micros dans cette machine? Non. Oh no. Il faut un adaptateur. On va investir pas. Pour vous. Il faut un micro aussi. Hein. Putain. Je vais te redemander du feu tout de suite comme ça. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes à FIV, plus exactement à FIV Kyle. Exact. Un nouveau lieu. Nouvelle ça s'appelle le Bouillon, Chaud Bouillon. Aussi, je crois, cette partie. Ouais, voilà, il y a un bar Chaud Bouillon, mais il y a aussi un lycée hôtelier, une salle de basket. Il y a what mille trucs. Une salle d'escalade que je pratique avec mon ami Louis face à nous. Ah ouais, ouais. Voilà, près de 11 mètres de. Je crois qu'il y a 11 mètres, on dirait pas, hein. Non, on dirait pas. Mais il y a 11 mètres. Et juste à côté de la Bourse du Travail, qui a déménagé déjà il y a quelques années. Elle est derrière nous, la Bourse. Ah, ok. C'est pas très beau, parce que la friche est belle, par contre, de FIV Kyle. La Bourse, si, ça va. Hein. C'est pas cette partie-là. Elle est derrière. Ah oui, parce que ça, c'est pas beau. Elle est là-bas. D'accord. Voilà, c'est un lieu qui est en friche, encore actuellement, mais une partie a été rénovée. Ouais, il y a une brasserie, non? Il y a écrit votre future piscine. Apparemment, il y aura une piscine. Ah, la piscine de FIV. Juste derrière. Bah, il y en a. Ouais, je crois qu'ils vont faire. Bah oui, parce qu'il y avait la piscine Tournesol qui va fermer. Je suis toujours pas allé. Mais je sais pas si elle a pas déjà fermé. Mais non, j'y serais jamais allé du coup. J'ai jamais fait une piscine tournesol, moi. Et bah ouais, c'était de la mode dans les années 60-70, une piscine tournesol. Ouais, parce que je pense que ça allait vite à fabriquer, non? C'était l'idée, c'était de faire du sport, quoi. Ça devait être Jack Lang, non? Non, c'était la culture, lui. C'est qui le ministre des sports dans les années 80? 70, tu dis? Je sais pas. Michel. Ah, c'était peut-être Pierre Mauroy, non? Je le vois bien en sport. Non, c'est les années 80, Pierre Mauroy. Je déconne. Ça va, oh là là, il y a du vent, on est à la mer ou quoi, Martin? Ah ouais. Ah non. Bah non, on est à FIV. On est à FIV. Mais je reviens de la mer, moi, personnellement, de la baie de Somme. T'as passé de bonnes fêtes? J'ai passé de bonnes fêtes. Des bonnes fêtes en famille et après avec mon chien et ma copine. Ah oui, allez, c'est vrai qu'on avait dit au dernier épisode, point sur le chien. Comment va Mara? Mara, ses progrès, ses axes d'amélioration? Alors, assis, c'est maîtrisé. Ok. Hein, ça s'assied au passage piéton. GG. Le rappel, pas trop, hein, parce qu'elle est un peu dingo. Quand elle a 4 mois, je rappelle. Hein, voilà. On la juge pas, limite, c'est ça. Pas. Eh, on la juge pas, en fait. Hein. Mais elle revient des fois, quoi. S'il n'y a pas d'autres activités, d'autres chiens, elle va revenir. Elle peut être vite distraite, ouais. Elle aime bien jouer. Elle aime bien les gens, elle aime bien dire bonjour. Elle est très sociable. Ah ouais. Tu vois, elle aurait pu venir là, tu vois. Oh non. Tu crois qu'elle serait restée sage, là? Non, mais à un endroit où... Bah, si, là, j'aurais pu la lâcher, tu vois, par exemple. Ouais, mais toi, t'aurais pas été attentif. J'aurais pas été attentif. Déjà que j'ai un trouble TDAH. TDAH+. On dirait le rappeur TH. HTH. TDAH. Un trop pas de bolo, comme dirait Booba. Booba, il a jugé CH, il a dit que ses intros, c'était des recettes de pas de bolo. Et a priori, Pierrot me confirme qu'il y a vraiment une recette. Ouais, il y a un début de morceau où il raconte ça. Voilà, si vous voulez faire des pas de bolo comme SCH, pour ceux qui connaissent le S. Alors Martin, on va commencer cet épisode où je vais te demander ton bilan 2024. Voilà, juste si tu fais un bilan 2 secondes, qu'est-ce qui te vient? Et Une résolution pour 2025. Oh là là, et ça donne envie, hein. Ça donne envie tout ça. Ça un bilan, ça peut être un événement marquant, hein. Ça peut être assez simple. Hein. J'ai envie de dire le chien. Hein. Le chien. Événement, la rénovation de la maison aussi qui avance. Bah ouais, ouais, ouais. Ça avance pas mal, c'est joli. Ça commence à avoir de la gueule. Et voilà. Hein. Une belle année, hein. Belle année. Une année. Une année, quoi. Hein. C'est pas fifou, hein, quand même. C'est pas fifou si comme année. Bon, on va pas parler de l'actualité non plus, quoi. Mais bon, c'est pas une année incroyable, quand même. Oui, oui, si on regarde sur l'actu, c'est pas ouf. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, il fait beau. Et ça, c'est bien. Perspective 2025. J'ai oublié de te donner ta petite bonnette. Ah, pardon. Je vais mettre ma petite bonnette. Vous allez voir, ça va changer tout. Ben c'est peut-être parce que. En fait, je croyais que j'avais pas droit à une bonnette. Genre, tu m'avais privé de bonnette. Mais je crois que c'est celle-ci, ta bonnette. Tiens. Tu veux changer ? Non, non, non, c'est bon. Comment ça va, Martha ? Une bonnette, c'est ce qu'on met sur les micros pour pas qu'ils aient froid. Ben, c'est peut-être avec le vent, en fait, c'est pour ça. Ça sert à quoi ? C'est pour. Tu les nettoies ? Tu les mets à la machine à laver ? Non. Non, ça fait parfois un anti-pop. C'est-à-dire, quand tu parles, parfois, ça fait p avec l'air. Ah, un anti-pop. Anti-pop. Et c'est pas agréable à l'écoute. Genre contre Taylor Swift, quoi. On mettrait ça sur elle, quoi. Contre pop, Taylor. Allez, hop. Tu te tais. Voilà, je parle quand même aussi, je parle à mon chien. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Nouvelle résolution quand même 2025. Je vais essayer de répondre à la question qui est pas évidente. Car j'ai encore préparé l'émission comme un dingue. Pourtant, je te l'avais dit que j'allais te dire ça. Ouais. Alors, 2025, j'aimerais bien courir plus. Ah, c'est bien. C'est un mec qui court. C'est pour ça, j'y pense. Mais c'est vrai que ça peut être un souhait, ce que tu as envie de faire, ce que tu veux améliorer, tu vois, dans le truc. J'aimerais bien passer mon permis bateau. Eh ben, c'est bien ça. J'aimerais bien commencer à surfer. Oh là là, c'est parti. Là, tu vas me faire une liste à la Prévert comme tu sais faire. Il y en a où à 1000 ? Bah, trop. Ouais, trop. Il y en a trop. Bah, ouais, mais comme ça, on essaie d'en faire un. Bah, déjà un, ouais. Mais alors, faut choisir. Il y en a plein un peu. Un favori, quoi. T'aimes bien retirer, il y avait un poil sur ma bonnette. C'est parce que je garde le chat de mon frère et il a des longs poils. Il s'appelle comment ? Gus on sent. Alors Martin, c'est bien, leur faire un bateau, du surf ? Bah du surf c'est facile, tu vas aller. En fait je vais me rapprocher de l'eau, je crois que c'est mon élément l'eau. Ah ouais ? Ouais, si j'avais un élément tu vois moi ce serait l'eau. Je suis un homme de l'eau. Pourtant mon signe astrologique c'est buffle des bois. Mais bon, je suis charpentier aussi. Bah alors là où tu peux avoir le bois... Et de l'eau, la rivière quoi. La rivière. Pourquoi la rivière ? Moi je suis plus. Ah oui, parce qu'elle traverse la forêt. Ouais, voilà, elle peut, ouais. Je suis pas. Eau, j'aime bien. Attends. Mais je pense que je suis pas. Mer, ça va, mais je pense que je préfère la rivière. Ok. Mais t'as pas envie d'aller dans l'eau tout le temps. Moi, dès que je vois un truc à la télé avec de l'eau, ou je vois des gens qui se baignent, j'ai tout le temps envie d'aller dans l'eau. Si, mais je pense qu'on a déjà parlé dans l'épisode. Pour moi, de nager, je trouve que c'est un des trucs. Nager dans une rivière ou dans un lac, je trouve que c'est le moment où tu te sens le plus libre. Ouais. Ça détend le plus, quoi. C'est beau. Ouais. Au milieu des montagnes comme ça, là. Et tout nu. Oh là là. Tout nu, c'est le summum de la liberté. C'est vrai. C'est pas grand chose, hein, il faut retirer son slip. Ah ouais, son slip ou son soutien-gorge si on est doté de gougouttes. Merci pour cette précision. Donc c'est bien, on va retenir. Surf. Permis bateau. Regarde, on est déjà à la mer un petit peu. On est à Fives, mais à la mer, je sais pas si vous entendez le vent, mais on est dans un endroit où il y a beaucoup de vent. Il fait presque 0 degré, 1 degré. D'ailleurs, faut que je coupe l'eau chez moi, extérieur, avant que ça givre. Voilà. Ça va péter la canalisation. Il a peut-être givré cette nuit, Martin. Je sais. Donc on a dit quoi ? Courir plus, surf et... Permis bateau. C'est vrai qu'on est beaucoup sur l'eau. Et finir la maison, deuxième étage. Deuxième étage ? Ouais. On fait une chambre pour Pierrot. Ah ouais, machallah. Voilà. Bah c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? Et toi, alors ? Moi je crois que je vais essayer de courir 3 fois par semaine. Non, toi tu dois d'abord dire ton année... Ah, bilan ? Bilan, bah j'ai acheté un appartement. Oh. Et j'ai emménagé. Fouini est propriétaire. Très bonne chanson de Fouini. La Fouine. Et déjà, je pense que c'est pas mal, hein. C'est un gros événement. Hein. Ouais, félicitations. T'es Merci. Bien chez toi ? Ouais, il fait chaud. Ouais, c'est bien déjà ça. Bah ouais, en fait, je me rends compte, avant, j'étais dans un endroit, il faisait froid. Un courant d'air, une passoire thermique, comme on dit dans le milieu. Ouais, là, c'était même une passoire, c'était un trou thermique, quoi. C'était une fenêtre ouverte. Ouais. Tout le temps, quoi. Ouais, oula. Tu vivais dehors ? Non, oui, je suis bien, ouais, c'est cool. Faut trouver ses marques, parce qu'en fait. Je suis pas encore à me dire que je suis 100% chez moi, quoi. Ouais, t'es encore chez les personnes d'avant, quoi. Un petit peu, c'est petit à petit. Tu vois, encore des trucs à eux chez toi ? Bah, y a, ouais, la peinture, quoi, je sais pas. La cuisine ? Non, non, la cuisine, c'est à nous. Tout est à vous ? Tout est à nous. Y a rien à eux. Ceux qui l'ont pris, ils l'ont volé, quoi. Waouh, le monde est à nous. Non. J'ai des petits travaux, oui, je dois peut-être changer la chasse d'eau. Oh, ça fait longtemps, ça. Ouais, ça fait longtemps. Bon, ça fait depuis mars que j'y suis, quoi. Ouais, presque le début, ouais. C'est compliqué à changer. Ah oui, parce que tu dois démonter le placo, parce là. Parce qu'elle est encastrée, ouais, on va tout péter. On va démonter le placo et hop. Ouais, sinon tu changes, hein. Tu fais plus un truc encastré. Ah oui, c'est ça, on va enlever. Exactement. Faut qu'on se renseigne. Et tu mets une vasque ? Bah, il y a une vasque, de toute façon. Ouais, il y a une vasque, mais il y a pas le. Je pense pas qu'il y a le. Bon, je sais pas. Ouais, peut-être tu vas devoir acheter une vasque. Oui, bon, c'est pas très. Peut-être même tu vas changer le toilette, en fait. C'est possible. Ça doit pas être très cher. Non. J'en ai acheté un, mais je me rappelle plus. Bah oui, comme t'as acheté plein de trucs en même temps. Bah, c'est le plombier qui l'avait ramené. Donc voilà, peut-être résolution, courir plus et changer les toilettes. Courir plus, tu viens de courir 4 fois cette semaine. Oui, bah là, pendant les vacances, je me suis dit que je voulais me tabasser un peu sur la course. C'est incroyable. J'avais envie d'y aller. 8 km par jour, quoi. Tous les deux jours. 10, 13 ? Non, ouais, 8, 10, ouais. Et voilà, quoi. C'est impressionnant. T'écoutes des podcasts ? Qu'est-ce que j'écoutais ? Ouais, j'écoutais des podcasts, ouais. Et de la musique. Tu veux pas faire de la pub pour les collègues ? Et je cours lentement. Ouais. Ouais, je cours pas. Il y a des fois où je cours vite. Et parfois, je vais juste courir à 6 du kilomètre, tranquille, quoi. C'est bien. Et tu maintiens le métronome, on t'appelle. Voilà, parce que j'ai ma petite montre que je me suis achetée. Oh là là. Voilà. La chance, quoi. Du coup, je fais mumuse avec ma montre. Je suis jaloux, quoi. Je crois que c'est peut-être pour ça aussi que je cours beaucoup, parce que je fais mumuse avec mon jouet. Ouais, bah ouais. Je me suis acheté. Une montre connectée, quoi. Une montre, ouais, pour courir. Mec, c'est pulsation. Et oui, parce que pourquoi ? Parce que mon GPS avec mon téléphone, ça marchait pas, quoi. Exact. Donc on a acheté une montre. Bah, ça fait quand même longtemps, ça fait un moment que je cours. Non, mais t'as le droit. Hein. C'est un pote qui m'a fait, il m'a dit, vas-y, Pierrot, c'est bien une montre, vas-y. Je fais, ah ouais, c'est bien. Et c'est bien ? Bah ouais, c'est bien. Bah, voilà. Franchement, c'est marrant. T'es gagnant, quoi. Bah ouais. Un petit marathon cette année, 2025 ? Bien sûr que non. Putain. Tu sais que c'est hyper dur d'avoir un dossard à des marathons ? Bah non, j'en ai eu un, moi. Non, les marathons iconiques. Ah oui, genre New York. C'est un business, tu vois, t'en as. Mais Paris, ça va, à ce qui paraît. Hein. Paris, c'est 150 balles au début et après, ça monte. Ça monte à quoi ? Je sais pas. Faudrait regarder. J'ai pas regardé. Mais moi, ça doit monter à 300, hein. Je pense à double. Mais genre, tu vois, pour que ça soit un peu iconique, ils disent, bah ça, c'est genre les marathons à faire, tu vois. C'est-à-dire, il y en a à Tokyo, je crois qu'il y a Amsterdam, il doit y avoir en Espagne. Et après, il y en a trop aux États-Unis, quoi. Je crois que t'as Boston, Chicago, New York. Oh. Et tu vois, c'est un business, quoi. Bah ouais. Et c'est dur d'avoir le truc, sauf si tu passes par une espèce d'agence de voyage. Mais non. Et là, qui te fait bien taxer, quoi. Tu peux pas t'inscrire sur Internet, quoi. Je pense qu'il faut bien que. Par exemple, Tokyo, je crois qu'il priorise les habitants, les Japonais, quoi. Bah, j'imagine, en fait. Si tu t'inscris que t'habites au bout du monde, on est même pas sûr que tu vas venir, en fait, tu vois. Pas faux. Ça, c'est con. Tu payes, imagine, ça va pas être non plus 1000 balles, hein. Ça va être pareil, 150, 200. Ouais, mais tu vois, ils te le mettent maintenant en mode challenge. Genre, si tu veux faire tous les marathons du monde, il faut que tu aies fait celui-là. Tu vois, genre, il y a un côté addict. C'est marketing, quoi. Ouais, j'aimerais bien faire celui de Paris, mais il y a personne qui veut le faire avec moi. Oh, Martin. Enfin, si, j'ai un pote qui le fait, mais comme il est trop fort, c'est pas comme si je le faisais avec lui, quoi. C'est qui ? François. Ah ouais. Toi, je vais courir tout seul. Je veux pas le tenir. Ouais, mais regarde, il y aura des gens dans la rue qui diront ton prénom. Tu crois que je m'inscris ? Bah, c'est trop tard là. C'est trop tard. Ouais, c'est pour l'année prochaine maintenant. Bah, l'année prochaine, on y est. Non, mais c'est en mars, je crois. Ouais, bonne année. Ouais, bonne année à tous, en tout cas, c'est avec meilleurs voeux. Faites votre petit bilan événement marquant de l'année, aussi de votre côté, et votre résolution. Vous nous l'envoyez par texto, par mail, par courrier. Ouais. Et également en commentaire de notre page Instagram. Ouais, parce que je crois qu'on est à 125 000 abonnés maintenant. Ouais, ça va vite, hein. Ouais. Ça va vite de ouf. Chaque épisode, on prend entre 1000 et 2000 personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, Martin ? Au mois de novembre, je suis allé 4 fois voir un médecin. Mais non. Si, si. Sans me le dire. Si, si, en fait, c'est juste. En fait, j'écoute pas. J'ai des basiques, quoi. Je suis allé voir un dentiste. Ah oui, ok. Un ostéo. Ah, c'est bien l'ostéo. un ophtalmo et un médecin parce que j'avais une oreille bouchée. Ah merde. Et donc c'était marrant parce que c'était une interne. Tu nettoies avec la coton-tige. Tais-toi. Je vais te taper. D'accord. Oui, je nettoie avec le coton-tige. C'est pas bon. Bah oui, c'est pas bon, mais ça marchait depuis des années, quoi. Jusque que ça soit bouché. Et la médecin, l'interne, elle me posait plein de questions. Mais genre, limite, si c'était pas le cerveau, quoi, qui était qui avait bouché le... Et à un moment, elle me dit de m'installer sur le truc, elle a regardé les oreilles, la première, elle fait « Ok, y a rien ». Et l'autre, elle fait « Oh, c'est un bouchon ». Et là, je sens qu'elle a fait tout son examen pour se dire... Je suis con. Non, pour dire, ça se trouve, il a un truc plus grave, le gars. Donc elle était rassurée. « Oh, bah c'est juste un bouchon ». Et je me dis, bon, bah voilà, diagnostiqué, c'est fini. Ouais, il faut mettre un produit. Ouais, mais là, elle a essayé de l'enlever, le bouchon. Ah non, avec quoi? Bah, j'ai pas regardé. Je me suis tourné sur le côté. Puis genre une cuillère, quoi. Un objet métallique, quoi. Ça ressemblait un peu à une mini cuillère, ouais. Ouais, je vois, si, ils en vendent dans le commerce. Ça ressemblait un peu c'est à ça. C'est horrible. Il y a des gens, ils le font tous à la main, ça. Moi, je suis incapable. Bah là, elle me l'a fait. Déjà, je sais pas me faire un test Covid sans pleurer, quoi. Ouais, bah ça, tout le monde pleure, c'est pas grave. Bah oui, toi, mais surtout, c'est. C'est dur, j'y peux pas. Et alors c'était rigolo parce que tu vois, j'étais sur le dos, la tête tournée vers la gauche, parce que vous avez compris, c'est l'oreille droite qui était bouchée. Et elle avait vraiment son bras sur mon torse, quoi. Appuyé, ouais, et t'as l'impression qu'elle a enlevé le truc. Et elle a pris du temps. Je me disais, oh, mais là, ça fait bien 10 minutes qu'elle est sur mon oreille. Putain, c'est horrible. Bon, elle en a enlevé beaucoup, beaucoup. Et je chantais sa respiration. Tu voyais ce qu'elle retirait? Non, j'ai pas vu. J'ai vu vite fait à la fin, tu vois. J'ai vu, je fais waouh. C'était marron, quoi, carrément, non? Bah, limite noir. Waouh. Dégueu, quoi. Tu fumes de l'oreille, en fait, toi. Exact. C'était du goudron. et ce qui était. À un moment, elle fait ah, j'en avais un, mais j'ai pas réussi, il est retombé, tu sais. Elle était frustrée, tu sais. Elle s'est amusée sur ton oreille. Elle kiffait. Et alors que moi, je me dis ah, vas-y, c'est crade, désolé. Dans ma tête. Après, je fais les médecins. Ils s'en tapent, les médecins, ouais, voilà. Ils sont habitués. Et voilà, hein, c'était super. Et Léna, elle m'a dit, ma compagne, ah, mais moi j'aurais demandé de voir ce qu'il y avait tout ça, qu'elle me montre. Ça doit être... Moi je vomis tout de suite, je crois. Non, c'est pas. En tout cas, celui qu'elle a pas réussi à enlever, j'ai réussi à l'enlever en rentrant chez moi. Comment t'as fait? Juste avec le doigt, bah voilà, elle avait déjà bien décroché, quoi. Parce que les gens, normalement, ils te disent de mettre un produit, moi ils m'avaient dit ça, de mettre ça. Elle m'a donné un produit, ouais. Mais faut pas l'utiliser trop souvent. Elle m'a dit oui, une fois par mois pour nettoyer. Et là, je devais le mettre trois fois par jour pendant trois jours. Et t'entends mieux? Ouais, j'entends mieux. Bah, déjà, quand elle m'avait enlevé les trucs. Oui, je vois une truc. Ouais. Bah, c'est surtout la nuit. La nuit, je dormais et je chantais que c'était bouché, quoi. Bah, parce que tu dormais sur ton oreille. Exact. Gauche. Et du coup, le bouchon, il, à droite, il. Ah ouais, il se mettait bien. Et après, je suis allé à la pharmacie chercher le petit produit. Et limite, la pharmacienne m'a pris pour un mongol, quoi. Bah, normalement, il tombe tout seul, le bouchon. Hein, bah, pourquoi alors? Il est là depuis deux mois. Il n'est pas tombé tout seul, là, non? C'est bien. Est-ce que tu l'avais poussé avec ton coton-tige? Oui, je l'avais poussé, maintenant, c'est bon. Elle t'a dit quoi, l'interne, maintenant, pour nettoyer tes oreilles? Elle m'a dit mettre un peu d'eau sous la douche. Exact. Et laisser traîner, et après, avec l'oreille, puis voilà. Exact. Et les doigts? Et les doigts, ouais. Ouais. Bah moi je fais ça, moi, depuis voilà, moi qui fais le malin. Voilà. Moi j'ai toujours fait ça, hein. Ouais. En plus, les cotons-tiges, finalement, quand t'en achètes toute ta vie, bah t'arrives vite à une petite somme. Non, t'arrives, ça coûte pas cher, Martin. Hein? Ça coûte rien. Ça coûte rien? Ça coûte rien. Ah ouais? Bah, ça, imagine 50 ans de coton-tige, mon gars. Non, mais alors quand je raconte, il y a beaucoup de gens qui ont la réaction comme toi, qui me disent ah ouais, tu nettoies comme ça? Ah bah moi c'est comme ça. Genre mon père, il m'a fait ça aussi. Il moi j'utilise ça. Il utilise des espèces d'épingles à cheveux. Mon dieu. Mais moi je mets rien dans mon oreille, gros. C'est ouf, mon doigt, ouais, c'est bon. Il y a des gens, ils mettent des clés. Ah, ouais, t'es... Je te jure. Mais n'importe quoi. Je te jure qu'il y a des gens qui mettent ils des clés. Ils sont débiles. C'est crade en plus une clé. Ah ouais, la clé, ouais. C'est vrai que ça doit être le truc. Ah, moi j'ai mis des pièces. Mon gueule. Moi je mets mon break. Ouais. Mon petite voiture break. Oh là. Moi j'ai mis une fourchette. Chacun ses types, ça. Allez, je finis un deuxième truc sur ma tournée des médecins. Et après, ça va être à toi. Pouvoir un sujet. Prépare-toi. Je vais voir l'ophtalmo. Ça faisait 6 ans que j'étais pas allé. Moi, je suis jamais allé. Bah ouais, mais t'as pas de lunettes. T'as des problèmes de vue. Attends, on sait même pas que t'as des lunettes, en fait. Personne sait que t'as des lunettes, Pierrot. Je les mets pour travailler, ouais. Et pour regarder un écran. Pour mettre un écran. Chez moi, je mets les lunettes. Non, mais quand on regarde un match, par exemple, tu mets pas tes lunettes. Non, y'a pas besoin, ça. Y'a pas besoin. Wheeling. C'est pas mal, hein. Wheeling trottinette. Et donc, déjà, le médecin, c'est mon ophtalmo qui est à Amiens. Donc, je vais à Amiens, déjà. Je prends un demi-jour de RTT. Je te laisse te dire que le rendez-vous a duré 8 minutes. Poum. RTT 8 minutes, quoi. Après, Amiens, c'est chouette, non. T'as pas fait que ça, quoi. J'ai vu, j'en ai profité pour voir les copains. Ouais, voilà. T'as qu'à laisser un vendredi. Exact. Ah, voilà. Le lynx. Le lynx. Parce que c'est dur d'avoir rendez-vous chez l'ophtalmo. Ah bon? Ah, le pire, c'est le dermato. Exactement. Si on fait un top 3 des plus durs. Dermato. Voilà. Le premier. Premier. Deuxième. Ophtalmo. Troisième. Je sais pas. Qu'est-ce qui est chiant? Pff, il doit y avoir des trucs chiants. Anesthésiste? Non. Anesthésiste, on les aime pas. Pourquoi? Parce que c'est eux qui gagnent le plus et c'est des connards un peu. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ils font des malins. Genre, ils disent ouais, j'ai ta vie entre mes mains. Ils se la racontent de ouf. C'est souvent des fils de. Je les déteste en fait. Mais c'est le truc le plus demandé. Mais tu peux pas t'embrouiller avec eux. Il faut surtout pas s'embrouiller avec eux. Ouais. T'as une certaine responsabilité avec. Mais ils se permettent d'être cons, tu vois. Ils ont l'impression qu'ils sont dieux, quoi, un peu. Je sais pas, je les aime pas. Bon, bref. Je l'ai déjà dit. Bon, bref. Et le médecin. Désolé à tous les anesthésistes qui nous écoutent. Il y en a bien, hein. Ouais, ouais, ouais. On sait pas. Peut-être 125 000 personnes, c'est. Peut-être qu'ils nous écoutent pour s'endormir. Ouais. Et qui dit un jour, lui, je l'aurai. À un moment, il va me dire son poids et je vais mettre plus, comme ça il va. Quoi, 185 kilos? Bah bravo! Oh là là, bah il s'est plus réveillé! Oh, j'ai mis 100 en trop! J'ai mis 100 en trop! Je me disais bien qu'il les faisait pas! Je me suis dit, vous avez des os en plan! Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon ophtalmo! Vous êtes un X-Men ou quoi? C'est. Serval! Comment il s'appelle? Je sais pas, je connais pas assez. Wolverine! Il y a les os en métal. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Bon, petit rappel hein, pour Pierrot qui ne connaît pas toute cette culture. J'ai froid, c'est pour ça que je bouge. Tu veux qu'on marche? Non. Alors, je finis avec le médecin, avec l'ophtalmo. T'as encore 20 minutes à tenir. Le médecin. Courage. Le médecin, l'ophtalmo. Je t'écoute. L'ophtalmo, elle me dit, je lui demande, bon, bah, il y a des choses qui ont changé, tout ça. Elle me fait, oui, ou des petites corrections, mais c'est minime. Normalement, ça n'a pas bougé. Il y a toujours la divergence, tout ça. En termes de. Vous êtes toujours hypermétrope. Et la divergence? Qu'est-ce que c'est? C'est ça, un film, non? Divergent. Ouais, exact. Il y en a trois, je crois. Ouais, je lui dis, bah, je les ai pas vus, ces films. Qu'est-ce que c'est, ça? Il voit rien dedans. Dites-moi en plus. Et ils me fatiguent, les médecins, à dire. Ils déroulent, c'est comme si c'était normal. Et si tu leur poses pas de questions, ils après, te laissent partir, ouais. T'es chez toi dans tes toilettes à te dire, mais qu'est-ce que m'a dit? Je vois ou je vois pas? Je suis aveugle. C'est ça, je me disais bien, je voyais plus rien. Et en fait, c'est un petit strabisme. Je biglouche un petit peu. Ah, je m'en doutais. Et à cause de quoi? C'est pas parce que je si, suis. Non. Si. Mais t'as que. Pierrot, il s'habitue toujours à. Depuis le collège, j'ai ça. Mais parce que moi, il y avait un médecin qui m'avait dit ça. Et ça m'avait traumatisé à l'époque. Voilà. Cher auditeur, arrêtez de faire semblant de loucher, ça bloque. Voilà, Pierrot est bloqué. Chers auditeurs, si vous avez besoin de rendez-vous chez un médecin, regardez sur Doctissimo, Martin Le. Il est ophtalmo, il est ORL, il est tout, il est psy, il est disponible. Ostéo ? Ouais, il est disponible et il fait payer ça bien cher. Ouais. C'est pas remboursé par la sécurité. On met toujours des petits conseils, des petits tips, genre ne louchez pas en fait. Louchez pas, mais c'est pas pour ça, Martin, si. Je l'ai depuis toujours. Bon, bah c'est pas grave, allez. Bah voilà, en on gros, va passer voilà. À autre chose. Mais oui, t'appuies sur le bouton, la meuf a dit que je biglouche. Voilà, légèrement, je biglouche, mais légèrement. Je vois que ça maintenant. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas vrai. Tais-toi, arrête. C'est insupportable. C'est qui est. Et qu'est-ce que m'a dit Léna quand j'ai raconté ça? Elle m'a fait, mais ouais, quand t'es pété, tu biglouches. Je fais, allez, c'est bien. Biglouche et au lit. Voilà, c'est bien. Quand t'es pété, tu biglouches. Oh, c'est pas sympa ça. Bah, ou quand tout le c'est monde. C'est pour ça que tu bois plus. Martin. Il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup hein, qui biglouchent quand ils t'es sont. T'es en dry là? En fait? Je suis pas en dry. Hein. Moi non plus. Je suis pas en dry, mon gars. C'est que ça sert à rien. Bah ça sert. Si, ça sert. Si, si. C'est le linge qui sèche, c'est pas l'alcool. Si, ça permet de prendre conscience de sa consommation et tout. Tu vois, le mot anti-tabac, l'État il est à c'est fond dedans quoi. novembre. Je sais pas, en novembre. Movember. Il t'aide, tu vois. Genre, il y a des spots. Le Dry January, t'as aucune communication de l'État. Parce que les lobbies de l'alcool, ils sont beaucoup plus forts. Et ils disent, ah non, ouais, c'est bon. Mais... Déjà que les gens, ils boivent plus de vin. L'alcool, ça n'a jamais tué personne. Voilà, exactement, c'est ça. On est sur un truc, ouais, l'alcool, c'est bon. Ah oui, 2 verres par jour, tous les jours. Non, pas tout. Oh là là, c'est compliqué. Même Macron, il a dit ça, un verre de vin par jour ou 2 verres de vin par jour, c'est bon. Mais non, mais tous les présidents, ils ont bu. Mais oui. Tous, mais... ils ont. À un moment, ils vont marcher là, au truc, là, au salon de l'agriculture, et ils se peintent la tête. Bah, il y a que Sarko qui ne boit pas d'alcool, lui. Ah bon? Je sais que. Oh, non, non. Il y a une fois où il est pété, tu le vois, je sais plus avec qui, mais oui. Piscine. Ah ouais. Mais sinon, lui, il boit pas d'alcool. Après, t'as toujours envie de boire un coup avec un russe, quoi. Pas Poutine, bon. Ouais, ouais, mais bon. Mais Boris Eltsine, il a une bonne tête de copain, quand même. Ouais, mais bon, là-bas, tu bois de la vodka, quoi. Ouais. C'est bon, mais ça te défonce, quoi. Ouais. Oui, c'est pas comme un... Ouais, c'est pas une petite bière, quoi. C'est pas un demi-bière. Ouais. Pas une 16. C'est pas une 16. Tout de suite, ça... Et puis je pense que ça te chauffe. T'as le côté euphorisant tout de suite. Bam, bam, bam, tu te sens bien, t'en reprends, et ça fait que de monter, quoi. Mais c'est vrai, après, il se fait interviewer Sarko, non? Ouais. Il fait, ah bah, ouais, oh, ouais. Putain, il est bien Sarko. Et donc voilà, c'était ma petite session médecin où on me dit que ça me biglouche, que je nettoie mal mes oreilles. Sam Biglouche, putain, on dirait un nom de rappeur, hein. Sam Biglouche. Sam Biglouche, mais Biglouche et Oli, c'était très bon, j'ai pas relevé. C'est vrai. Si on donnait un titre à nos émissions, ça pourrait être ça. Biglouche et Oli. Parce que tu serais Biglouche et je serais Oli. Bah bien sûr, Martin, toi t'es l'homme parfait. Hé, je vais le taper. Non, mais Oli, il n'y a pas de jeu de mots du coup pour moi. Tu vois. Si, tu te couches tôt comme un gros bébé. Ah, super. Waouh. Biglouche et Oli qui se couche tôt comme un gros bébé. C'est long comme nom, le titre. Je suis pas sûr qu'on va garder ça en fait. Biglouche et Martin, le médecin. Ouais, ouais, ça c'est bien ça. Tu serais content d'être docteur, je suis sûr, toi. Moi? J'adorerais ça. Mais juste parce que. Ça va, les sous, ils rentrent facile, quoi. Mais le problème, c'est que les docteurs, ils vont pas chez le docteur. Du coup, je sais pas si ça m'irait, tu vois. Tu sais ça? Souvent, les médecins, en fait, ils vont pas chez le médecin. Bah, ils peuvent se soigner, non? Ils peuvent se faire une ordo. Ouais, mais ils sont trop dans le... Ils prennent pas soin d'eux, je pense, les médecins, tu vois. Mais... Déjà, ils s'autorisent pas à être malades, ils sont toujours dispo. C'est un taf, hein, quand même. Ah ouais, ouais, ouais, bah c'est très social, hein. Mm. C'est dur, hein. Il y a... Moi, il y avait un médecin... que je connaissais, et lui, ce qu'il trouvait dur, c'était tous les membres de sa famille l'appelaient. Ah ouais. Pour dire ah, il y a ça, il y a ça, et du coup tu récupères une espèce de poids, une charge mentale sur la santé de tout le monde. Bah ouais. Et du coup toi, tu penses pas à toi, je pense, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que tu taffes et puis c'est tout, quoi. Et tu te soignes avec de cachets et tu vas pas chez le médecin. C'est l'automédication, même pour un médecin, c'est pas ouf, je pense. Ou sinon t'as ton collègue qui est... T'es un cabinet à deux, tu vas voir ton collègue. Ouais, mais je crois qu'ils font pas cette démarche là. Après, généralise avec tout ce que je sais de mon entourage et de la vie que je mène. Mais tu vois, c'est pas fondé ce que je te dis, mais je pense que les médecins s'occupent pas d'eux. Tu as une petite pensée à eux, tu vois. Allez, pensez à vous. Après les anesthésistes, on pense à vous. Ah, c'est très médecin. C'est le gars, il veut faire partie de cette corporation. C'est quoi. C'est pas comme ça, en fait, faut faire des études. Numerosus clausus, numerosus clausus. On est obligé. Je crois qu'il y a des trucs de médecine où tu n'as pas besoin de faire d'études. Tu mets une petite pancarte, doré, docteur machin. Tu te mets un feu. Pff, franchement. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Docteur Martin. En plus, je mets ça, docteur Martin, c'est même pas bon. Je pense que tu peux avoir. En plus, ça sonne bien, docteur Martin. Tu peux avoir l'agence régionale, l'ARS, là, qui tombe sur toi, quoi. L'État. Quoi? Bah ouais, tu fais pas de la médecine. Bah non, mais je mets pas docteur, alors je mets la plaque dorée et je mets professeur. On peut mettre professeur? Bah c'est de la médecine non conventionnelle, quoi. Voilà, donc professeur Martin, non conventionné. Non remboursé. Non remboursé. Pas de quoi au black, que liquide, que du cash. Charpentier. Je n'ai pas de carte bleue, non. Est-ce que vous pouvez remplir le papier de la sécu? Je n'ai pas de papier de attends, la sécu. Mais... Moi j'ai une allergie, ma maladie, allergie à la paperasse. Voilà. Hein? Donc tu te débrouilles. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Voilà. Et bah tu vas pas payer. Moi je t'ai aidé, ça va mieux. Voilà, bah, tu me payes pas. Allez, bah... Déjà, j'offre une bouteille d'eau à chacun de mes patients. Une bouteille d'eau? Ouais, ça part de là. En plastique? De l'eau, faut s'hydrater. Dans une bouteille en plastique? Bah, si tu veux, j'offre des gourdes, j'en sais rien. Bah ouais, c'est pas écolo, hein. Bah, si tu veux, j'offrirai des gourdes. Avec mon nom, professeur Martin. Donc, comment c'est? Maintenant, il est professeur. Professeur, c'est au-dessus, hein, parce que tu peux être docteur et professeur. Ouais, c'est un niveau. Bah, qu'est-ce que je pourrais avoir comme titre, genre sans diplôme? Bah, choisis en fait, Martin. Fais ce que tu veux. Bah surfeur aussi, hein, si tu veux. Non, mais je veux pas qu'on m'embrouille, tu vois. Comment je pourrais me déclarer Je veux pas qu'on m'embrouille. Tu vois, je voudrais me déclarer comme soignant. Soignant. Être soignant ? Non, soignant. Soignant. Soignant. Martin, le soigneur. Après, Martin, le cogneur. Martin, le soigneur. Il cogne, il soigne, il cogne, il soigne, il cogne. Il cogne ! T'es iconique. Putain. Légendaire. Allez, Martin. Un sujet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, il manque... Eh, franchement, vous allez péter un câble. J'ai des sujets de ouf. Par exemple, c'est quoi ton... On en a déjà parlé ou pas des moyens de transport préférés pour voyager ? Ah bon ? On a déjà parlé ? C'est une question. Ça me dit rien. Après, je me rappelle plus trop des épisodes. C'est vrai ? Bah, alors, si vous n'avez pas écouté l'épisode 4, bah, voilà, le 28-9, c'est un peu comme le 4. Moi, j'aime bien le bus. T'as déjà voyagé en bus ? Ouais. Je trouve que c'est un temps hyper agréable parce que c'est long. Tu vois, tu peux aller en Allemagne en bus, tu vas mettre 30 heures. Mais tu vois, c'est un temps pour toi, en fait. Tu sais, pas genre un temps perdu. C'est un temps où tu vas écouter des podcasts, tu vas regarder la fenêtre, tu vas réfléchir sur ta vie. Et ça, j'aime bien, tu vois. Et en Amérique du Sud, quand on voyageait beaucoup en bus, ben, c'était des moments genre hyper intenses pour moi de réflexion, d'écoute de musique aussi. J'ai poncé 3 albums pendant ce voyage-là. Par exemple, j'ai Franco-Océan. Mm-hmm. Je l'ai poncé. Mais genre, tu sais, un moment dans le voyage, t'as un téléphone, t'as pas Internet. T'écoutes tout ça, quoi. Il y a 2 chiens qui se rencontrent. Ouais, mais moi je les regarde pas. Mais je regarde pas, je te regarde. Si. Et en plus, il y en a un, c'est un chien d'aveugle, je crois. Ah ouais. Ouais, faut pas le toucher. Et là, tu le regardes, tu vois. Ouais, parce que tu m'as. Alors que j'ai déjà abordé un sujet qui m'intéressait quand même, tu vois. Non, c'est pas grave. Et donc, ouais, t'as écouté 3 albums. Ouais. Ce qui fait que tu l'avais poncé, quoi. J'avais poncé Damso YPCIT et MC Solar Pros Combat. Et bref, et du coup, je voulais savoir, c'était quoi toi ton moyen de transport préféré ? Si tu préférais l'avion, le bateau ? Le bateau, c'est chouette aussi. Pareil, c'est long. Mais tu vois, le ferry, par exemple, tu vois. Ah, ça, genre, bien, ouais. T'as l'impression que tu fais. Tu traverses une toute petite mer. Allez, 20 heures. Tu vois, pour aller en Corse, c'est ça, je crois. C'est Toulon, Corse, 20 heures. Ah ouais ? Il avance pas le truc. Tranquille. Bah, le ferry, oui, mais tu le prends rarement, quoi. C'est vrai. Mais nous, on est allé à Brighton, c'est pour ça. C'est stylé. Bah, tu vois, par exemple, c'est rigolo, à Amsterdam, il y a des bateaux pour aller vers le nord, ouais, d'Amsterdam, où c'est des bateaux gratos qui font la liaison entre le nord et le centre. Non, je savais pas, en fait. Ok. Bon, juste ça, hein, ça dure 15 minutes, mais c'est vrai qu'il y a ce temps lent qui est plutôt agréable. Et t'imagines les gens qui vont bosser le matin et qui font ce trajet-là, quoi. Je trouvais ça rigolo. Il y a le Vaporetto à Venise aussi. Vaporetto. C'est comme un bus, tu sais. Ah ouais ? Quand tu n'as pas de sous pour faire des gondoles, tu fais ça, quoi. Ah et ouais. Pareil, les gens qui taffent, ils l'utilisent comme un métro, en fait. C'est un petit bateau, t'es jamais allé à Venise ? Est-ce que tu peux fumer la clope électronique dedans ? La vapoletto. La vapoletto. La vapoletto. Ouais, de toute façon, tu peux fumer, il n'y a pas de toit. Ah ouais, vapoletto. Vapoletto. Mais c'est vrai que le transport fait partie du voyage, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas... Sauf les gens qui prennent l'avion, c'est vraiment, eux, c'est... Même pour des courts trajets, genre une heure d'avion, c'est eux, le transport, ils veulent pas en entendre parler, en fait. Eux, c'est pas... C'est tac-tac, je suis arrivé là où je dois aller, quoi. Ils prennent pas en compte ça. C'est un beau chien, ça. C'est un beau chien, forme, ça. Ça, c'est un beau chien. Tiens, pas mal. C'est un beau chien. C'est un beau chien. Sushi, il s'appelle. Sushi. De cocker. Il est beau. Ouais, voilà. Du coup, je trouve ça cool, moi, de prendre le transport comme un moment cool. Bah, moi, c'est le train que je préfère. C'est vrai que le train, c'est calme. Mais pas le train de l'été, quoi. Pas celui-là, quoi. Tu ? Ah ouais. Bah, l'autre fois, moi, j'avais pris... putain, c'était où ? Un Toulouse jusqu'à... Oh, je sais plus, en... Clermont-Ferrand ? Exactement, à peu près, ouais. Mais non ! Si, en Auvergne. Et il était hyper lent, quoi. Si j'ai mis 5 heures, mais c'était genre un TER qui s'arrêtait un peu partout. Et tu te rappelles de ces trains ? C'est par la nature. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, bah, les TER dans ce coin-là, dans les Pyrénées... ou c'est les intercités, bah, ils sont marrants parce qu'ils vont pas si vite, ouais. Et tu peux te poser. Et le décor est beau, quoi, non ? Ouais, c'est cool. J'ai fait un train en Corse aussi, t'as déjà fait le train en Corse ? Non. Pareil, mini train qui avance pas, t'es au milieu de. Et c'est trop beau, quoi, c'est stylé. Mais c'est un vieux train ou c'est un. C'est un vieux train de ouf. Ouais, ouais. Vieux train de la mort, quoi. Mais c'est juste un peu un truc touristique, quoi, qui ressemble. Non, c'est pour. Ah ouais, au quotidien. J'avais pas de voiture. Ah ouais. Encore souvent, les gens ils louent des voitures. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, moi je crois que j'avais. J'avais pas 18 ans, j'avais 17. À 18 ans. Ah, 17, du coup. Ah ouais. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Hein. Ah, il fait froid. Hein. Mmh. Tu vois, je t'avais dit que je devais mettre des collants. Mais voilà, les moyens de transport, c'est chouette. Voilà. Voilà, c'est ça ton sujet. Bah ouais, c'est bien, non ouais. Et non, attends, j'avais un autre truc, du coup. Merde, je viens de le perdre. Je t'avais dit que j'avais croisé un gars dans le train. Justement, du coup, il y a les rencontres aussi dans les trains. Et les transports. Qui c'est t'as vu? J'allais... C'est une star ou c'est pas une star? Non, non, mais une fois, j'ai rencontré un gars qui fait du stand-up. Je t'avais raconté. Genre, en fait, je regardais son téléphone et il écrivait ses vannes et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il écrit, lui, c'est chelou et tout. Et là, je sentais un que. Mec, il me fixe trop, frère. Ouais. Il me fixe trop à gauche. Mais je sentais que c'était un gars qui était dans le spectacle, dans un truc, tu vois. Et du coup, il s'est assis à côté de moi et j'étais trop son texte, quoi. Il allait à Paris. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié maintenant. C'est un gars qui monte, mais je me rappelle plus non plus. Mais non, là, je te parlais plus d'un gars quand je suis allé au bateau. Quand je suis parti faire du bateau cet été, je devais apprendre à faire des nœuds. Et apprendre à le vocabulaire du bateau sur la route, quoi. Et le gars à côté de moi, il voit que je galère et tout. Il me fait, vas-y, je vais t'aider et tout. Moi, j'ai un bateau et tout. Tac, il m'a montré des nœuds. Et je dis, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Il me fait, moi, je fais du laser. Pardon. Du laser? Ouais. En fait, il faisait des. Il allait de spectacle en spectacle faire des shows laser. Ah ouais? Mais genre, il avait 20 ans. Il était là avec son ordi, tac, tac, tac. Et ils font des. Tu vois, les shows laser, quoi. Je crois que c'est genre. Ça se fait de plus en plus pour l'écologie, tu sais. Les oiseaux, en fait, ils n'aiment pas les feux d'artifice. Ah ouais. Tu vois? Genre, ils crèvent, en fait, les oiseaux pendant les feux d'artifice. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ça fait trop de bruit? Ouais. Ils ont des crises cardiaques. Ah ouais? Et en vrai? Mais ça, c'est un truc que tu vois pas, mais en fait, tape oiseaux, feux d'artifice. Tu vois, des cadavres, il y en a plein le lendemain, en fait, du 14 juillet. Ils sont tous morts. C'était pas très. C'est pas gay, ça. Mais c'est en Allemagne et dans les pays de l'Est, ils adorent faire des putains de feux d'artifice de ouf. Genre, à minuit, là, ils en font péter, mais des trucs de porc. Ils sont malades. Moi, j'ai fait un nouvel an à Berlin, ils sont malades. Ouais, là. Tu peux crever, en fait. Bah, cette année, il y a eu 10 morts. Mais ouais, mais en fait, ils ont pas de limite de taille de. C'est des armes à feu, le truc. C'est incroyable. Et les enfants, ils font ça, tout le monde. Et dans la rue, n'importe où, ça pète. C'est. On n'est pas mort, quoi, nous, mais pas loin. Pas loin de mourir, quoi. Pas loin de mourir? Oui, j'en fais trop. On m'appelle Drama. T'es Drama un oiseau? Queen. Drama. Dramartin. Ce serait peut-être ça, mon nom de scène. Ah ouais? Ouais, Dramartin. Tu veux pas écrire une histoire sur tous tes personnages, là? Si. Voilà. Bonjour, moi, c'est Dramartin. Voilà, je fais du drag. Oh, Pit Crew! Voilà. Comment on applaudit? Je sais plus. Comme un claquement de doigts. Un claquement de doigts. Et tu crois que tu lèves un peu Léna? Ouais, mais là je veux qu'il entende le micro. Ouais, ouais, non, mais Léna le mettait en l'air et tout, quoi. Hey, ouais, je vois. Après tu fais légendaire aussi. Ah, pas mal. Bah voilà, j'avais un sujet, c'est bien, non? Ouais. J'en ai fait deux en fait. Hein. J'ai fait les rencontres aussi. Les rencontres. Tu rencontres qui? Ouais, bah excuse-moi, j'ai regardé un texto, je devais pas. Ma copine elle est à Ikea. Et c'est galère. C'est l'enfer, Ikea. Pourquoi elle achète quoi? Bah des trucs, mais tu vois, Ikea s'est fait exprès pour que ça soit pas un truc simple. C'est de la merde. Et à ce qui paraît, les Leroy Merlin, pour info, hein, parce que là on est sur bon truc, okay, info, point info, les Leroy Merlin ça va devenir comme Ikea. C'est-à-dire que tu veux acheter une boîte de vis, tu vas devoir faire tout le magasin pour aller acheter ta boîte de vis à la fin. Ah ouais? L'enfer. Je te jure. Ah mais tu sais ce que j'ai fait, moi je suis à la Castorama là. Ouais. J'ai acheté en drive. Ok. J'ai pas de voiture, hein, j'étais avec mon daron pour les fêtes. Et du coup, tu t'arrêtes, tu prends un rendez-vous déjà pour récupérer ton drive. Ouais. Et tu scannes après un code barre quand t'es arrivé sur le parking pour dire je suis là. Et après, il y a un mec qui arrive et qui t'amène ton truc. Ok. Donc peut-être qu'il y aura des drives à Leroy Merlin. Peut-être. Mais toi, tu savais exactement ce que tu voulais. Oui, je savais déjà, ouais. Une tringle à rideau. C'est vrai? C'était ça, ouais. Arrête! Mentaliste, quoi. Mentaliste. Martin mentaliste. Moi aussi, aussi, j'aimerais bien être mentaliste. Mortaliste. Ouais. Mortaliste. Comme dans Le Loup-Garou. Ah, tu l'as vu, la série Le Loup-Garou? Le Village Endort. Le Village Endort. Toi, t'es un mentaliste. Toi, t'es trop la petite fille, en fait. Bon, il est nul. Moi, je suis un loup, je te bute. Waouh! En fait, tu choisis pas, en fait. Ah ouais, tu choisis pas? T'as pas compris les règles, en fait. Ah ouais? Ouais, en fait, tu soulèves la carte et on te dit ce que t'es. Oh, je suis villageois. Voilà. Donc, tu butes personne. Tu sais pas, si je suis villageois, peut-être que je mens. Ah oui, Ferré, il faut répondre qu'on est villageois. Ouais. Exact. C'est vrai que tes yeux, t'as des yeux de loup un peu. Vers loup. Verdon, vers loup. Verlouche. Biglouche. Allez, c'est bien. Le loup qui est biglouche. Ouais, ça se voit. Un indice, le loup il biglouche. Ah ouais, hein, c'est peut-être Pierrot le biglouche. Ah ouais, super. Présentateur à Pyramide aussi. Louche, biglouche, Pierrot, t'es moche. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on rit. Et ça, c'est le soleil. Le rire, c'est un peu le soleil. J'aime la vie. J'aime ce ciel bleu. Bleu ciel de Paris. Ah, c'est vrai que là, on a un putain de ciel bleu. Hein. Il est beau, hein. Oh là là. Ouais. Oh là là. Par contre, on a des glaçons aux pieds maintenant. Pas moi, parce que j'ai des chaussettes de Noël. Oh là là. Voilà, avec des pintes de bière dessus. Elles sont pas si moches. Hein. Elles sont pas si moches, mais elles sont pas si belles. Non. Ouais. Bon, moi, c'est Homer Simpson. Voilà, et donc si on a 2 followers de plus, les photos de nos chaussettes. Oh là là. Portez. Portez, vous allez vous marrer. Ah. Putain, c'est qui met la musique aujourd'hui? C'est moi. Oh, t'as de la chance. C'est moi. T'as de la chance. Ça va être un truc plutôt calme. De toute façon, je vais mal le dire. Déjà son nom. Lily Leggett. Lily. Il y a combien de... ça s'arrête Lily quand le vélo. Nom c'est cool. Lily de vélo. Lily Leggett. Rubicon. Rubicon. Rubicon. Et c'est du piano, un peu posé. Oh. Un peu musique instrumentale. C'est un peu genre nuage, quoi. C'est cotonneux. C'est cotonneux, c'est très très bien. Oh là là. Un velouté, quoi. T'as mis un nuage, tu vois, t'as mis ton petit velouté, t'as rajouté un peu de crème fraîche dedans. Oh, un nuage. C'est faisselle. Tu vois le fromage faisselle avec une petite crème fraîche par-dessus. Attention, Martha, tu vas avoir une ficelle, tu continues. Ah non. Ah non, attends, c'est le dessert. Oh, bah je continue alors. Oh là là. Ça me donne envie de manger des Gervita. Oh, pas de marque. Zut, une marque. Tant pis. Oh, nouveau sponsor. Nouveau sponsor. Merci, Gervita. C'est quoi une Gervita? C'est genre, ils vendaient ça comme si tu mangeais du nuage. Ah putain. Ouais. Putain, ça me dit quelque chose. Bah t'en as jamais mangé du coup. Non, en non fait, mais tu peux pas oublier cette sensation de manger un nuage. T'as déjà mangé un nuage? Mais c'est comme une mousse au chocolat quoi. Non. T'as mangé, t'as l'impression de manger un terril. Du caca. Bah tu peux lancer oui, la musique. Sucré, tu... On va s'arrêter là. Bon, on revient très vite. Merci à vous. Parce que là, on n'a pas sorti d'épisode en janvier, mais le but, c'était un par mois. Donc en janvier, on va refaire un deuxième dans pas longtemps. Mmh. Martin, sache-le. Ouais. Dans 2-3 semaines, sache, on je se revoit. Sache. Et bientôt 3 illustrations qui vont sortir. Voilà. Exactement. Allez, à bientôt. À bientôt.